Mozaik. Bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Ravi de vous retrouver à travers l'émission Mozaïque au cours des quelques minutes qui vont suivre. Et ce sera pour parler d'un mal qui s'opère en silence et en cachette dans certains secteurs de la vie nationale, à savoir la corruption. Quel serait l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Burundi? Quelles sont les conséquences liées à la corruption? Quels sont les secteurs les plus touchés par ce mal? Et bien d'autres interrogations encore. Mais au-delà de tout cela, comment procéder pour pouvoir juguler ce fléau? En vue de tenter des réponses, trois invités sont avec nous sur le plateau. Jean Bosco Naimera, c'est l'assistant du ministre ayant la bonne gouvernance dans ses attributions. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Cassien Sindaye, il est le président de la Cour spéciale anticorruption. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis il y a Faustin Nikoumana qui est le président de l'association PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Bonjour et bienvenue Faustin. Bonjour. La mise en onde est assurée par Eric Wimana. Francine Ndiokougayo est à la réalisation et au micro vous retrouvez Léonce Vitalio. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Isanganiro. Permettez que je pose ma première question à vous, Jean Bosco Naimera, assistant du ministre de la Bonne Gouvernance. Quel est l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Burundi? D'emblée, je dirais qu'il y a un pas qui est déjà franchi à voir le degré de collaboration qui existe entre les différentes institutions chargées de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, ainsi que la collaboration qui existe entre les autres secteurs de la vie publique et même du secteur privé, sans oublier la collaboration entre notre ministère et les différents cadres des élus locaux, à voir les différentes descentes effectuées par le ministre chargé de la bonne gouvernance dans les différentes provinces. Nous constatons que la population, nous constatons que les élus locaux collaborent au mieux avec notre ministère ou avec les institutions qui sont chargées de la lutte contre la corruption. Et dans ce cadre, dans ce sens, de lutter contre ce fléau. Mais en passant, vous êtes au courant de l'existence de ce fléau? Ah oui, effectivement, ce fléau existe. Et s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de toutes ces institutions, il n'y aurait pas la loi anticorruption, on n'en parlerait pas dans le code pénal. Oui. Faustin Nikoumana, au sein de votre association PARSEM, vous évoquez un grand problème de corruption au Burundi. Comment est la situation dans le pays? Bon, je dois dire que la situation de la corruption, et vous savez, la corruption est un phénomène social qui touche plusieurs pays, y compris le Burundi. Mmh. Mais particulièrement au Burundi, il faut mentionner que le Burundi est toujours épinglé dans différents rapports internationaux, des ONG internationales qui s'intéressent à lutter contre la corruption, comme notamment l'un des pays, notamment Transparency International, comme l'un des pays les plus corrompus, des 10 pays les plus corrompus au monde. Mais aussi à l'East African Community, le premier pays où la corruption sévit avec vigueur, surtout la grande corruption. Donc, il y a des rapports qui classent le Burundi par rapport aux pays du monde, aux pays africains, aux pays de la région. Oui. Comment est la situation? La place du Burundi, c'est laquelle? J'ai dit que différents rapports depuis un certain temps classent le Burundi comme l'un des 10 pays les plus corrompus de la planète. Et à l'East African Community, c'est le premier pays. Même la conférence qui est tenue actuellement à Dar es Salaam, plutôt à Arusha, le rapport de Transparency International l'a mentionné. Et même une enquête qui a été menée par le gouvernement du Burundi en collaboration avec la Banque mondiale. Et c'était un bureau qui s'appelle CERTI qui avait commenté l'étude. Le Burundi, on avait constaté que la corruption vraiment sévit avec une ampleur très alarmante au Burundi. Et les secteurs qui sont toujours épinglés comme les plus corrompus, c'est la police, la justice, les douanes, l'administration centrale, les partis politiques. Les partis politiques, comment? Les partis politiques. D'ailleurs, c'est le secteur actuellement, ce sont parmi les secteurs les plus corrompus, même dans au niveau mondial. Oui, c'est les partis politiques, c'est là où s'opèrent les achats des postes, des influences, les achats des votes. C'est là où la corruption est plutôt plus évidente. Bon, il y a l'éducation, il y a la santé. Vraiment, Et surtout qu'au Burundi aussi, il y a un cachet particulier de la prédominance des infractions, surtout connexes à la corruption. Quand on dit à la corruption, les infractions connectées à la corruption, notamment la concussion, le détournement des biens, le favoritisme dans les marchés publics, le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, le blanchiment, ce sont des infractions couramment observées ici dans notre pays et cela montre que vraiment la corruption elle est bien là. Plutôt il faut une stratégie, il faut une volonté politique au niveau supérieur pour l'éradiquer. Mais dans l'entretemps, vous citez beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont touchés par ce mal qu'est la corruption et les hommes. Les humains, ce sont les petits citoyens, les dignitaires, les décideurs. Quels sont les gens qui sont cités dans cette corruption? Bon, je vois que vous voulez qu'on aborde la question sous sa typologie. Et il y a la grande corruption et la petite corruption. Mais au Burundi, les grandes deux corruptions. La grande corruption, c'est la grande corruption. C'est la corruption qui intéresse les plus hauts dignitaires dans les marchés publics, dans les gros détournements des biens publics. Mais là, il y a la petite corruption, les dessous de table qu'on donne pour accélérer les procédures administratives, pour échapper à un devoir citoyen qu'on doit remplir, avoir une faveur. Et cela aussi aboutit finalement à la détérioration de la qualité des services publics, surtout vis-à-vis des personnes les plus vulnérables. Est-ce que de tels dossiers arrivent comme il faut à la justice pour être traités, Monsieur Sindaye Kassian, président de la Cour spéciale anticorruption? Oui, merci de m'accorder la parole. Ces dossiers arrivent. La preuve, c'est que depuis la création de la Cour anticorruption, et d'ailleurs avec... C'était en quelle année? En 2006, et la loi numéro 1/36 du 13 décembre 2006 a créé la Cour anticorruption. Mais la loi numéro 1/12 du 18 avril 2006 avait déjà porté sur les mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes. Donc depuis ce temps-là, depuis la naissance de ces institutions, nous avons commencé à siéger le 5 novembre 2007. Depuis ce temps-là, nous avons quand même... un acquis. Il y a des affaires qui ont déjà été tranchées. Nous en arrivons à environ entre 1800 dossiers qui ont déjà été traités. Parmi ces dossiers, il y a beaucoup de montants qui ont été recouvrés et qui ont été encaissés par le trésor public. Donc, je n'ai pas tous ces montants en tête aujourd'hui, mais à titre exemplatif, l'année 2016, nous avons rassemblé 285 235 et je voulais signaler que l'année 2016 vient en deuxième position par rapport aux gros montants qui ont été encaissés. Parce que l'année 2014, c'est elle qui vient en avant. Cette année-là, on avait retourné dans les caisses de l'État un montant de 369 836 910 francs-bou. Donc, les autres années viennent après. Mais quand même, il y a un important montant, des sommes importantes qui ont déjà été retournées dans les caisses de l'État. Et puis, il faut signaler que là, quand on s'exprime comme ça, on parle des montants qui sont rentrés dans les caisses de l'État en passant par notre compte, le compte de la Cour anticorruption. Il y a d'autres montants qui entrent depuis la brigade spéciale anticorruption et qui sont déposés sur les comptes généraux du ministère des Finances. Il y a d'autres montants qui sont versés par des justiciables qui ont été convaincus de l'infraction et qui ont décidé de rembourser cet argent avant même que la procédure ne débute. Donc, il y a donc, à vrai dire, des montants qui ont été recouvrés jusqu'aujourd'hui. Faustin a parlé tout à l'heure de petites corruptions, de grandes corruptions. Vous recouvrez ces montants aux auteurs de petites ou de grandes corruptions, ou tous? À tous les niveaux. Parce que nul n'échappe à la justice. Bon, je pense que il est souvent dit que certaines personnes échappent à la justice. il y a des personnes qui ont un privilège de juridiction. Mais ces personnes sont jugées devant la Cour suprême. À commencer par le gouverneur, le député, les ministres et les autres qui ont le privilège de juridiction et qui ne peuvent pas être entendus par le procureur général près la Cour anticorruption. Mais ces personnes-là sont entendues par le procureur général de la République et leurs affaires sont portées directement à la chambre de, judiciaire de la Cour suprême. Ils sont justiciables là-bas. Donc, je pense que nul ne peut échapper à la justice. Et la petite, la grande corruption, toutes les deux, ce sont des fléaux, il faut les combattre. Et corrupteurs et corrompus, est-ce qu'ils sont traités de la même façon? Les corrupteurs et les corrompus. La corruption appelle deux individus au moins. L'article 42 de la loi dont je vous ai parlé, la loi numéro 1/12 du 18 avril 2006, portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, prévoit ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive. La corruption active, c'est lorsque une personne donne de l'argent à quelqu'un pour recevoir un avantage injustifié. La corruption passive, c'est lorsque une personne, un agent public ou une autre personne reçoit de l'argent, un pot de vin, pour essayer de fournir un service qui ne devrait pas l'être. Alors, là, vous entendez déjà que la personne qui a donné la corruption et la personne qui a reçu la corruption sont réprimées et la loi prévoit la répression de ces attitudes. Concrètement, tant que vous avez le micro, combien de dossiers que vous accueillez par mois ou par an et combien vous parvenez à traiter? Bon, en moyenne, vous me posez une question trop technique. Bon, je ne vous donnerai pas les chiffres dès le début. Je vous donnerai seulement des exemples. L'exemple, je vais partir de l'exemple de 2016. Et vous allez vous-même évaluer pour voir le nombre de dossiers qu'on reçoit. Et le mois de janvier 2016, nous avons reçu 9 dossiers du parquet. Je vous ai dit que la Cour anticorruption reçoit les dossiers qui viennent du parquet et c'est la seule voie. En février, 11 dossiers. En mars, 23. En avril, 14. En mai, 11. En juin, 20. En juillet, 18. En août, 6. Parce que c'est les vacances judiciaires. En septembre, 21. En octobre, 18. En novembre, 13. Et nous avons reçu cette année 164 dossiers qui sont entrés. Alors, nous avons écoulé dossiers clôturés, donc 150 dossiers. C'est-à-dire, l'année 2016, nous avons reçu 164 dossiers et nous avons écoulé 150 dossiers. Donc, c'est-à-dire que c'est plus de 80% des dossiers reçus qui ont été traités grâce à la célérité et au respect des procédures, au respect des trois remises qui sont données dans le règlement d'ordre intérieur de la Cour anticorruption et son parquet général. Nous avons essayé de les mettre en application pour vider le plus de dossiers que nous avons reçus en commençant par le système first in, first out. Donc c'est satisfaisant, monsieur Jean Bosco, assistant du ministre. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas m'exprimer à propos. Puisque ce nombre de dossiers qui ont été fixé devant la Cour anticorruption, c'est par rapport à quelle quantité, à quel nombre de gens qui ont été corrompus, qui ont corrompu. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas attrapés. Sûrement. Là, je doute que peut-être il y a des gens qui ont pu échapper à la justice et qui n'ont pas été attrapés. Donc, c'est difficile de dire que c'est satisfaisant. Vous avez évoqué beaucoup de secteurs, et M. Faustin Dikoumana, au sein de l'association PARSEM. Est-ce que vous pensez que les corrupteurs et les corrompus sont réellement punis pour lutter contre ce fléau? Justement, c'est là l'un des problèmes justement de la lutte contre la corruption au Burundi. Et d'abord, la loi qui est lacunaire ne permet pas vraiment de frapper fort contre ce fléau. Ça, c'est un handicap très sérieux. Une loi lacunaire, vous voulez dire? La loi anticorruption qui est d'usage. Il y a des manquements. Il y a des manquements, on l'a toujours signalé, peut-être on va y revenir. Mais à ce niveau, je donne l'exemple. Pourquoi dit-on la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption a donné des orientations pour rendre standard la lutte contre ce fléau, notamment sur certaines infractions couramment commises et qui sont presque un indicateur de la corruption généralisée. En général, des fois, comme l'avait dit monsieur Cassien de la Cour anticorruption, la corruption se fait en cachette. Mais une autre façon d'attraper un corrupteur par rapport au changement de mode de vie, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire l'enrichissement illicite. Quand vous détournez de l'argent, quand vous collectez de l'argent du public pour donner certaines faveurs, quelque part vous devez transformer votre style de vie. Vous allez construire des biens, des maisons, vous allez vous acheter des biens, vous allez changer votre style de vie. Des fois alors, on attrape les corrupteurs à partir d'un changement de style de vie. À travers l'enrichissement illicite, quand il est puni avec le système d'inversion de la charge de la preuve, au lieu que la cour ait la peine de prouver que tu as volé, c'est plutôt toi, le corrupteur ou le corrompu, qui prouve l'origine illicite de ces biens. Ça, c'est très, très fondamental dans la lutte contre la corruption. Donc, vous voulez dire qu'il y a lieu de voir ce que possède quelqu'un pour savoir si réellement il a été... Oui, il parce a, que il est vous déclarez d'abord vos biens avant l'entrée. Et après, en fonction. En fonction. Et après, et puis s'il y a un enrichissement illicite visible, vous devez prouver l'origine de ces fonds. Quand vous ne parvenez pas à prouver, c'est déjà une infraction. Vous êtes puni et des fois, on confisque les biens pour les faire rentrer au trésor public. Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on le fait ici au Burundi? Est-ce qu'on déclare les biens? C'est ça la lacune, justement. La loi est lacunaire par rapport à cela. Et cette infraction d'enrichissement illicite n'est pas punie, justement, d'une manière correcte. Et le blanchiment, et le blanchiment aussi, c'est une façon de prendre l'argent acquis illicitement à travers des crimes économiques ou des crimes, même après des crimes liés même aux tueries, par exemple, et on essaie de l'injecter dans différentes activités économiques, dans des donations diverses, et on apparaît comme un bienfaiteur. Et on est respecté mais par la société des fois, alors que l'origine de tous ces actes, de ces capitaux est illicite. Et cela aussi est renforcé par le manque dans une série de renseignements financiers qui avaient été initiés par, je crois, le gouvernement et la Banque mondiale. Mais jusqu'à maintenant, cette cellule n'est pas opérationnelle, justement pour rendre la façon de punir ceux qui sont coupables de cette infraction de blanchiment et qui se généralise en... Et l'autre élément fondamental aujourd'hui, c'est le manque de contrôle sérieux des finances publiques dans ce pays. Mais est-ce que ce n'est pas prévu par la loi? C'est prévu par la loi, mais ce n'est pas exécuté. L'entité par excellence qui devait s'acquitter de cette mission noble de contrôle des finances publiques, c'était la Cour des comptes. Mais si on analyse à la fin de l'année, la Cour des comptes ne parvient même pas à contrôler 10% même des entités qu'elle doit contrôler. Plutôt manque de moyens financiers, les lois qui ne sont pas claires, qui sont encore lacunaires. Donc, dans ces conditions, si le Conseil des finances publiques est lacunaire, si l'enrichissement illicite n'est pas puni, si le blanchiment n'est pas assez puni, vous comprendrez bien que la corruption se généralise vraiment avec beaucoup de vigueur. C'est là où on s'inquiète même par rapport à la lutte contre ce fléau. Permettez que je retourne un peu chez l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance, M. Jean Bosco Laimbeira. Est-ce que la déclaration des biens par certaines autorités publiques, est-ce que ça ne figure pas dans la loi? C'est quoi que ça figure? Mais je ne suis pas technicien en cette matière. Mais ce n'est pas suivi, ce n'est pas respecté. Mais combien ont déjà déclaré? Avant d'entrer en fonction, certaines personnalités publiques devraient déclarer leurs biens. Ah, puisque la déclaration ne se fait pas devant le ministère de la Bonne Gouvernance, peut-être c'est difficile d'affirmer ou d'infirmer que cette déclaration se fait. Mais à ce que je sache, la loi burundaise parle de cette déclaration. Peut-être le président de la Cour anticorruption pourrait avoir une idée là-dessus. Oui, oui. La loi numéro 1/12 du 18 avril 2006... portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, prévoit un titre de déclaration du patrimoine. Vous allez le voir à l'article, depuis l'article 29 jusqu'à l'article 36. C'est consacré à la déclaration du patrimoine. Il est même prévu que il y a des personnes qui déclarent devant la Cour suprême, il y a des personnes qui déclarent devant la Cour d'appel, il y a des personnes qui déclarent devant les autres tribunaux, les tribunaux de grande instance. Ceux qui déclarent devant la Cour suprême, c'est ceux qui ont le privilège de juridiction et qui sont justiciables à la Cour suprême. Ceux qui déclarent à la Cour d'appel, c'est ceux-là qui sont justiciables à la Cour d'appel en termes de privilège de juridiction. Et le reste, c'est devant le tribunal de grande instance. La loi est là. Elle n'est pas appliquée. Il y a un problème. Et concrètement, justement, combien déclarent? Combien de ces personnalités déclarent à la Cour suprême? Vous avez constaté que les déclarations se font à la Cour suprême, à la Cour d'appel et au tribunal de grande instance. Je ne peux pas vous donner les chiffres. Mais je me souviens qu'il y a un étudiant que j'ai envoyé faire. Il avait un mémoire, qu'il fasse le mémoire sur la déclaration. Mais il m'a dit qu'il y a quand même des gens qui ont déclaré. Mais un petit nombre. Un petit nombre. Il a trouvé un petit nombre. Je ne me souviens plus des chiffres. Un petit nombre de gens qui ont déclaré à la Cour suprême, et à la Cour d'appel, et à la Cour au tribunal de grande instance. Mais ça devient une entrave, même, de l'amont jusqu'en aval. Je disais qu'il y a même des formulaires de déclaration. Mais ce qui manque, je pense que ce sont des mesures d'application concrètes. Comment déclarer? Quand déclarer? Bon, on dit que c'est à la sortie. Est-ce que les instances habilitées ne peuvent pas, pas décider que ces personnalités déclarent leurs biens, leur patrimoine? C'est ça, ça devrait figurer dans ce que j'ai appelé les mesures d'application. Les articles 29 à 36 nécessitent qu'il y ait des ordonnances ou des décrets, en tout cas une autre mesure, une autre décision qui accompagne, qui montre comment les déclarations se font. Quelles sont les sanctions qui sont infligées aux personnes qui n'ont pas déclaré? Ce n'est pas prévu. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a faussement déclaré? Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a omis de déclarer ou a déclaré partiellement ce qu'il a? Donc, il n'y a pas de mesures d'application pour essayer de préciser comment ça se passe concrètement. C'est là en fait la lacune. La loi sur la déclaration du patrimoine existe bel et bien. Faustin de la Parcelle m'a dit tout à l'heure que la corruption, on peut la lire à travers les biens que possède quelqu'un. Bon, là, je pense que jusqu'à maintenant, il n'est pas interdit au procureur de prendre sa plume pour aller évaluer la valeur des biens que certaines personnes possèdent par rapport à leurs revenus. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas interdit. C'est ça même le travail d'un procureur. Cela dit, les personnes qui possèdent des biens qu'ils ont acquis de façon illicite. Monsieur Fausté vous a déjà parlé de l'enrichissement illicite. Vous n'allez pas les punir parce que l'article qui prévoit l'enrichissement illicite a été mal libellé. Il manque une proposition verbiale à l'intérieur. Quand vous lisez cet article, on vous dit celui qui est puni de celui qui. Quand vous arrivez à celui qui, ce verbe n'existait pas. Et à la fin, voyez la suite. Et on dit dont l'origine illicite n'est pas connue. C'est ça la dernière partie de l'article. Mais au milieu, il n'y a rien. Donc, qui a fait quoi? Vous n'allez pas voir ça. Donc, c'est un problème. Vous n'allez pas les punir. Mais quand même, nous attendons que le document d'orientation technique et politique qui a été déposé au niveau du gouvernement, quand il va sortir, il va essayer de déboucher sur une nouvelle législation anticorruption. Et quand même, nous pensons que même l'infraction d'enrichissement illicite sera réprimée. Donc, de façon générale, M. Faustin, au sein de la PARCEM, la corruption est bien là. Et les conséquences pour les populations, pour le pays, c'est comment? C'est assez grave. D'abord, au niveau économique, il y a un manque à gagner lié au détournement des fonds. Et vous savez, mais sinon, les données de l'OCDE publient régulièrement le manque à gagner lié à la corruption dans les pays africains. Et de loin supérieur au montant de l'aide publique au développement. Vous savez, nous perdons beaucoup de fonds liés à la corruption, à ces enrichissements illicites, donc le trésor public qui est censé élaborer des projets de développement en faveur des populations. Il y a les infrastructures de qualité, de mauvaise qualité. Vous savez, vous voyez les barrages, comment elles sont construites, les routes, et la route Makebuko. Ruigi en dit beaucoup, une route ici à Bubanza, Vendola en dit beaucoup. Et les barrages de Kajek en dit beaucoup. Qui sont détruits très vite. Immédiatement, suite à la mauvaise passion des marchés publics, faveur des marchés publics. Et ça, c'est au niveau économique, au niveau administratif. Vous savez, quand là où se vit la corruption, ce sont les gens médiocres qui sont parfois promis dans l'administration suite à la corruption. Ce que Guagasore a appelé Mihimbirimburakibazi, c'est ceux là qui sont envoyés parce que c'est la corruption. Ils avancent de grade, ils avancent de quoi. Même à l'intérieur des partis politiques, des fois, c'est la corruption. Il y a entre les faveurs dans les nominations sont liées par la corruption pour être dans les listes ici et là. Au niveau institutionnel, il y a problème de la force du gouvernement, justement, à pouvoir appliquer les réformes qu'elle veut appliquer. Quand dans un pays corrompu, le gouvernement veut initier des réformes, par exemple la décentralisation ou quoi, ça se heurte au groupe de lobby, des gens forts, qui voient dans ces réformes comme la façon de mettre en cause leurs habitudes, qui leur offrent certains avantages. Des fois, ils affichent un comportement réfractaire, des pressions pour faire échec, pour abattre l'échec à ces réformes. Nous craignons même que justement ces lois, ces nouvelles lois que nous voulons introduire pour bien frapper ce fléau, risquent de se heurter à certaines entraves de groupes de lobby, des administratifs qui veulent toujours mettre en échec. Au niveau politique, les partis politiques, comment ils sont financés, comment ils font les campagnes, par exemple, les achats de votes, par exemple. Vous savez, il y a une conséquence grave de la corruption sur tous les plans. Je ne sais pas ce que pourrait en dire M. Jean Bosco, Naïmera. À propos des conséquences. Des conséquences, oui. Des conséquences, M. Faustin en a déjà parlé, mais je pourrais ajouter que la corruption a des conséquences sur tous les secteurs de la vie, sur l'agriculture, l'éducation, la justice, la santé, même la sécurité. Service de base. Un pays gangréné par la corruption ne peut pas connaître un développement, ne peut pas connaître un bon rendement, un rendement de qualité dans les services. Et je fais un exemple, si un enseignant ou quelqu'un d'autre a été embauché pour avoir corrompu celui qui lui donne de l'emploi, et la première chose qu'il va faire, c'est de tenter de récupérer ce qu'il a donné. Et s'il a déjà découvert la piste par laquelle il est passé pour récupérer ce qu'il a donné en corruption, eh bien, il va continuer durant toute sa vie. Et celui-là même... Donc, ça devient toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Et puis, sur la santé, si vous octroyez un diplôme à quelqu'un qui n'a pas fait les études en rapport avec la santé, vous le faites un diplôme et il va s'installer dans un hôpital pour soigner, eh bien, les gens vont mourir. Si vous laissez passer un véhicule pour avoir reçu quelques billets de la part du chauffeur, vous le laissez passer croyant qu'il transporte de la farine de manioc, eh bien, à l'intérieur, il peut y avoir des grenades, des armes ou autres produits qui vont nuire à la santé ou à la sécurité publique. Bref, la corruption gangrène le développement du pays, gangrène la vie de tous les secteurs de la vie publique. Mais de façon générale, on l'a cité, il y a des manquements, M. Cassien. La loi, bien qu'elle soit lacunaire, comme vous l'avez vous-même évoqué, de même que Faustin Ndikoumana de la PARSEM, la loi est lacunaire, mais de manière générale, elle est bonne. Sinon, on peut dire qu'elle n'est pas bien appliquée. Non, je voulais dire seulement au niveau de l'insuffisance du cadre légal, dont on a déjà parlé. La loi est lacunaire, oui, elle est insuffisante, mais c'est cette loi même que nous utilisons. Les résultats que je vous ai donnés, les chiffres que vous avez vus, ils viennent parce que nous appliquons cette loi. Donc, elle a des insuffisances, mais c'est cette loi que nous utilisons. Donc, il suffit de relever ces insuffisances. Et, d'ailleurs, je voulais remercier le gouvernement qui a, depuis le CCLP, le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la corruption, et la création de lois, la loi anticorruption et la loi créant la Cour anticorruption et les autres institutions de lutter contre la corruption. Ceci montre une volonté politique du gouvernement de lutter contre la corruption. Donc, depuis le début, depuis que nous avons commencé à siéger, nous n'avons pas croisé les bras. Nous avons constaté les insuffisances de cette loi et nous l'avons dit. Et le gouvernement a mis en place une équipe technique qui a travaillé depuis 2012 sur ce texte et a produit un document d'orientation technique pour l'amélioration du cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Et ce document est au niveau maintenant du gouvernement. Et nous pensons que, d'ailleurs, l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance a déjà dit que ce document arrive à bon port. Et nous pensons que ce document pourra un jour inspirer le législateur et nous faire une loi efficace de lutte contre la corruption. Aurait capté en cours de route et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la corruption, son état des lieux aujourd'hui, la lutte contre la corruption, les conséquences liées à la corruption et tout ce qui entoure ce mal. Et nous sommes avec trois invités sur le plateau. Cassien Sindaye, le président de la Cour spéciale anticorruption, Jean Bosco Naimera, assistant du ministre de la Bonne Gouvernance, ainsi que Faustin Likoumana, le président de l'association PARSEM. Monsieur Faustin, justement, vous êtes en tout cas parmi les organisations de la société civile qui ne cessent de dénoncer le mal de la corruption au Burundi. Est-ce que vous estimez que ceux que vous dénoncez sont jugés par les instances habilitées? Bon, à notre niveau, oui, je dois dire que notre façon de contribuer, de collaborer avec les instances habilitées dans la lutte contre la corruption se fait à deux niveaux. Et d'abord, c'est au niveau de la prévention. Nous avons un grand réseau de citoyens lanceurs d'alerte, pour info, membres de PARSEM, disséminés à travers tout le pays. C'est un grand réseau dans toutes les provinces qui nous informe sur les cas de corruption, qui observent, des grands observateurs. Et je dois dire qu'à ce niveau, nous pouvons des fois intervenir sur des cas et empêcher que ces cas puissent être commis par... Vous avez des agents au niveau des collines, des communes... Oui, c'est ce que je dis. Mm-hmm. Oui, disséminés à travers tout le pays. C'est un grand réseau, mm-hmm. et nous les renforçons en capacité régulièrement à connaissance des lois, des infractions de lutte contre la corruption, et nous informent. D'une part, on intervient pour empêcher les gens qui veulent commettre ces actes de corruption de ne pas le faire, en informant à leur réseau aussi administratif, en utilisant les hiérarchies, les différentes hiérarchies. Et à notre cas, nous collaborons avec la brigade spéciale anticorruption, mm-hmm. sur des informations pour participer, parce que nous pouvons participer dans la phase instructionnelle, je crois que je dois dire, de l'instruction, au niveau de l'instruction des dossiers, pour donner nos informations. Et là, nous collaborons parfaitement avec la brigade spéciale anticorruption. La brigade spéciale bien, qui se réfère concrètement à ce que vous leur donnez. Oui, oui. Mmh. Et parce que nos agents, nos citoyens lanceurs d'alerte dont je parle, aussi vont dénoncer les cas de corruption à travers les brigades spéciales disséminées à travers les provinces. Mmh. À Ngozi, par exemple, Muyinga, et Makamba, Rumonge, comme ça. Et je crois que à ce niveau, la collaboration est parfaite. Mmh. Au niveau des institutions d'élite, au niveau du ministère de la Bonne Gouvernance, au niveau des autorités hiérarchiques administratives, parce que eux aussi sont concernés. Si un directeur de corps veut commettre un acte de corruption, il faut aviser ses hiérarchies, d'essayer de payer pour empêcher le cas. Et je crois que la collaboration, elle est là et nous la soutenons, parce que c'est pour agir et encore dans la fraîcheur des faits, pour ne pas attendre toujours punir, alors que ça prend des fois des procédures judiciaires aux longues, vous savez, pour arrêter la culpabilité de quelqu'un au niveau de la cour, je sais, il faut du temps, mais pour aussi participer dans la prévention, c'est beaucoup plus aussi, c'est un système qui peut aboutir à des résultats concrets et valables. Et il y a une question que je voudrais poser à l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance et même au président de la Cour spéciale anticorruption. Le président de la République a bien déclaré, il y a plus de 6 ans, la tolérance est zéro contre la corruption. Est-ce que vous estimez satisfaisante votre action de juguler ce fléau? C'est pas Jean Bosco. Ah oui, merci. Dire que les actions sont suffisantes, oui, je dis oui, mais pas à 100%. Puisque dire que nous sommes satisfaits à 100% reviendrait à dire que maintenant on peut se reposer, que ça ne sert plus à rien de mener cette lutte. Puisque, vous avez toujours à faire en tout cas. Ah oui, nous avons toujours à faire, parce que comme nous le disons souvent, plus nous combattons les corrupteurs ou les corrompus, plus nous luttons contre la corruption et plus les corrupteurs et les corrompus changent aussi de manœuvre pour découvrir comment pratiquer ces infractions. Donc, c'est un combat de tous les jours, mais à l'heure actuelle, avoir l'étape déjà franchie, comme je l'ai dit, avoir le degré de collaboration entre les différentes institutions publiques, entre les différentes institutions chargées de lutter contre la corruption, je dirais que nous sommes déjà à un pas important. C'est le même point de vue, M. Cassian. Oui, je ne ferai que compléter parce que là, vous nous posez une question de savoir si la criminalité anticorruption est maîtrisée. On ne peut pas dire qu'on a maîtrisé la criminalité anticorruption à 100%, alors qu'il y a des défis. Au fur et à mesure que les missions évoluent, nous avons cité des défis. On a déjà parlé du cadre légal insuffisant. Il y a l'absence des moyens suffisants. Il y a l'insuffisance en matière de renforcement des capacités. Nous avons parlé d'un forum des institutions de lutte contre la corruption qui boite encore, alors que la collaboration des institutions devrait être de mise. Lorsqu'il y a encore des défis, on ne peut pas dire qu'on a gagné le pari à 100%. Mais le pas est décisif. Nous avons des bonnes actions qui sont en train d'être faites pour juguler ce fléau. Je voulais dire, par exemple, au niveau du ministère de la Justice, j'entends qu'il y a une loi qui est en train d'être préparée sur le recouvrement des avoirs, sur la confiscation sans condamnation. Ça, ce sont des systèmes que les autres utilisent quand nous comparons avec la région et même le monde. Nous voyons que dans ces domaines, ils sont avancés en matière de saisie, en matière de confiscation, en matière de gel des avoirs, en matière de recouvrement des avoirs. Quand vous parlez de confiscation sans condamnation, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? C'est un système qui est utilisé dans les pays anglophones, même dans les pays francophones. C'est maintenant développé. On se fixe sur le retour des biens volés, si c'est l'argent ou des biens, dans les caisses de l'État, avant même que le procès n'ait lieu. Et lorsque ces biens sont déjà retournés dans les caisses de l'État, la procédure peut continuer ou pas, mais l'essentiel est que ces avoirs volés retournent dans les caisses de l'État. Donc, il y a une loi qui est en préparation. Je pense que j'en fais publicité parce que je sais que ce travail est en train d'être fait afin que on ne soit plus... En fait, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a le principe de la présomption d'innocence. Avant la condamnation, vous ne pouvez rien dire. Donc, il faut attendre que le jugement soit rendu. Mais cette loi-là va installer un système selon lequel les biens de l'État qui ont été volés, lorsqu'il a déjà été constaté que ces biens ont été spoliés, retournent d'abord dans la caisse de l'État. Tant que vous avez le micro, est-ce que vous pouvez nous parler des obstacles, des obstacles, s'il y en a, à la lutte contre la corruption? Bon, je pense que c'est ce que je viens de dire. Je vais seulement ajouter, j'ai déjà parlé du cadre légal insuffisant, oui. J'ai déjà parlé des moyens insuffisants. Sur les moyens, je voulais dire quelque chose. Quand les institutions de lutte contre la corruption ont commencé, nous avons bénéficié d'un appui de BINUB qui a doté des institutions, de la brigade, de la cour anticorruption et son parquet général, des véhicules, des ordinateurs, des mobiliers, et des formations et autres choses. Mais tous ces matériels maintenant sont vétustes. Bon, on essaie de travailler avec le peu qu'on a. Sur les autres défis, je pense que je peux ajouter par exemple les règles sur la coopération internationale qui font défaut. Normalement, dans la Convention des Nations Unies contre la corruption, il est prévu que les pays coopèrent pour se donner des délinquants. Alors, ça c'est. Mais ça retourne, si vous voulez, dans l'absence, dans l'insuffisance du cadre légal de lutte contre la corruption. Il y a les investigations conjointes, par exemple. Il y a l'extradition. Il y a quelqu'un qui peut commettre l'infraction ici et fuir en Tanzanie ou en Europe. Nous n'avons pas une réglementation précise pour se donner ce genre de délinquants. Aujourd'hui, on se contente de l'Interpol. Donc, mais ce n'est pas suffisant. concrètement dans la lutte contre la corruption. Et au sein du ministère ayant la bonne gouvernance dans ses attributions, Monsieur Jean Bosco, est-ce qu'il y a des obstacles que vous voyez de votre côté? Les obstacles sont ceux-là qui viennent d'être cités par mon collègue de la Cour anticorruption. Mais là, j'ajouterai l'ignorance de la population en ce qui concerne leurs droits, parce qu'il y en a qui acceptent de corrompre, par exemple, au sein des services administratifs. Il y en a qui acceptent de corrompre parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit à tel service. Donc, ceux-là, parce qu'ils ne le savent pas, eh bien, donner à une autorité administrative, pour eux, ça devient un privilège, un avantage de donner et d'être accepté de donner. Oui, donc... Là, ce qui revient, c'est toujours la sensibilisation, d'informer la population, ce à quoi ils ont droit, qu'ils le sachent, qu'ils sachent que la corruption a des conséquences néfastes sur leur vie, sur la vie du pays en général et sur la vie des citoyens eux-mêmes en particulier. Et il y a aussi problème des moyens. Là, on en a parlé, je n'y reviens pas. Et les moyens, on sait tous le contexte dans lequel nous sommes. Mais si on pouvait avoir assez de moyens pour les institutions qui sont chargées de la lutte contre la corruption, je crois que le combat irait mieux. Même point de vue chez Parcelle, Forstan. D'abord, il y a une question très intéressante que vous avez posée tout à l'heure, l'évaluation de la tolérance zéro. Et je dois dire que la politique de tolérance zéro pour nous, au niveau de la société civile, elle est encore au stade théorique. Il y a encore ça, ça veut dire, on a encore ça des annonces, d'élaboration, des stratégies de faire, mais on n'est pas ça en... Ça fait déjà longtemps que la tolérance zéro a été déclarée. Vous savez, la tolérance zéro, parce que la tolérance, si vous analysez, quand on parle de tolérance zéro, si vous analysez cette phrase, tolérance zéro. Contre la corruption. Contre la corruption. Là, il n'y a pas d'aspect d'approche sensibilisation dans la tolérance zéro. Dans la tolérance zéro, c'est l'approche punitive. Comprenez, quand on dit c'est tolérance zéro, ce n'est plus le stade de sensibilisation, c'est le stade de punir. On ne tolère pas. C'est-à-dire que punit. Le constat était et déjà. Oui. Alors je dis qu'à ce niveau, on est encore au stade d'élaboration des stratégies, amener des cadres légaux. Là encore, on n'est pas encore à terme et au niveau de cette phase théorique. Mais ce qui est inquiétant, c'est que la corruption, c'est comme un cancer. Plus vous n'agissez pas vite, plus il y a des ramifications et il est difficile, le combat est difficile à gagner. Parce que à chaque temps, les corrupteurs se fortifient et deviennent de plus en plus forts, quitte à ce que pour même faire avancer toutes ces réformes, quelles que salvatrices soient-elles, pour les faire avancer, ça devient difficile parce qu'elles causent des écueils, des entraves. Pour limiter la réussite. Parce que la réussite de la lutte contre la corruption viendra leur ôter des avantages. Si je m'en réussis à l'incitement aujourd'hui, je suis dans l'administration, vous commencez à me montrer des lois qui vont changer pour un jour me demander d'où as-tu tiré ça. Je fais tout mon influence pour empêcher l'avancée. Et c'est ça. Si alors on n'agit pas vite, ça se ramifie et les gens qui sont dans ce panier deviennent de plus en plus nombreux. Et des fois, c'est comme ça que le gouvernement perd complètement le combat de lutte contre la corruption. À un certain moment, on laisse tomber. On a pris là où commence. Juste au début de l'émission, vous avez évoqué beaucoup de secteurs qui sont touchés par la corruption, oui. Notamment la justice. Alors que la justice doit porter le flambeau dans la lutte contre la corruption, vous parlez de la police, alors que la police est là pour juguler de tels maux. Je vous donne l'exemple. Donc, on a organisé les états généraux de la justice en 2013, je crois. On a montré comment, pour rendre la justice beaucoup plus indépendante, les réformes auxquelles il faut s'engager. Mais jusqu'à maintenant, là aussi, la mise en application se fait encore attendre. Je dois dire que dans ce pays, il y a vraiment un mouvement des gens qui bloquent l'avancée des réformes. Ça commence vraiment à se faire sentir. Et si on n'agit pas dans une synergie pour vraiment casser ces noyaux de résistance, le combat contre la corruption risque d'être difficile dans ce pays. Et si vous le pouviez, vous pourriez y aller directement en proposant des voies de solution. Les voies de solution, bon, si je parle d'une manière globale, il y a d'abord la sensibilisation qui doit continuer. La sensibilisation doit continuer auprès de la population, auprès de la population pour réveiller conscience par rapport aux conséquences néfastes de la corruption. Deux, il y a un cadre légal cohérent, un cadre légal qui standard, donc qui s'approche des normes standards de lutte contre la corruption au niveau international. Tout à l'heure, monsieur Cassé de la Cour anticorruption a dit le document d'orientation qui est là. Nous attendons impatiemment. Mm-hmm. Nous lançons un appel au gouvernement pour que ce document puisse vraiment nous servir de base d'élaboration d'un cadre légal cohérent. Il y a les capacités des institutions. Renforcer leurs capacités au niveau matériel, au niveau humain. Mmh. Tout à l'heure, l'assistant du ministre a dit que maintenant nous sommes dans un contexte difficile au niveau des moyens. Je dois dire, si on priorise le renforcement des capacités de ces institutions, plutôt on pourrait engranger beaucoup plus de résultats au niveau financier. Mmh. Parce que tous ces. Cet argent qui se volatilise suite à la corruption, il serait récupéré par le trésor public. C'est pour cela que plutôt il faut renforcer ces capacités de ces institutions pour vraiment renforcer le trésor public. Mmh. Un autre aspect, c'est protéger les dénonciateurs, les lanceurs d'alerte, ceux qui dénoncent. Ils doivent être protégés. Est-ce que les vôtres sont protégés, les agents de la parcelle, mais les je dis, le cadre légal actuel ne protège pas en général les dénonciateurs. Ils éprouvent visiblement des difficultés suite au manque de protection. Ils le font d'une manière, donc, c'est une... Clandestine. C'est de la bravoure, c'est de la témérité, mais il y a toujours un problème. Et nous voulons aussi une synergie d'action entre les partenaires. Au niveau du public, mais aussi dans un cadre élargi avec le secteur privé, ça veut dire le secteur privé, la société civile et vous les médias qui doivent verrouiller même cette dénonciation. Ça devait être un cadre de partenariat beaucoup plus fort qui donne des synergies au niveau des actions. Et tout cela doit, cette machine dont je viens de parler, doit avoir comme carburant le leadership fort. Parce que sans leadership transformationnel qui s'exprime par une bonne exemplarité, par une vision sur différents hiérarchies de l'administration, il sera difficile parce qu'il faut des hommes forts qui changent la société, qui bousculent les mauvaises méthodes, qui secouent la partie des gens pour transformer, pour mettre en application même ce qui est écrit. Vous savez, on aura toujours des bonnes lois, mais ces raisons-là, s'il n'y a pas de bon leader au niveau des cours anticorruption, au niveau du ministère de la bonne gouvernance, on aura toujours des cadres légaux qui sont bien élaborés, mais qui n'ont pas de cadre d'application bien approprié. Des propositions, monsieur Jean Bosco. À propos de la dénonciation. Oui, la dénonciation est prévue par la loi numéro 1/12 du 18 avril 2006, à l'article 13. Il est dit que lorsque vous dénoncez quelque chose, vous avez droit à 1/5 de la valeur des biens que vous avez dénoncés. Mmh. Ça, c'est déjà un encouragement des dénonciateurs. Il est dit aussi que lorsqu'il n'y a pas eu de biens qui ont été confisqués, vous avez droit à entre 100 000 francs et 300 000 francs payés par le condamné, c'est-à-dire à la fin de la procédure. Mmh. C'est une disposition déjà disponible. Il faut saluer déjà qu'un article sur la dénonciation existe. Mais la façon de protéger les dénonciateurs n'est pas suffisante. Parce que pour le premier volet, le premier alinéa qui dit que vous lui donnez 1/5 de la valeur des biens dénoncés, c'est bien. Mais dans la pratique, c'est difficile. On n'en donne pas? Bon, je n'ai pas encore vu ce cas parce que les dénonciateurs que nous connaissons maintenant, des fois, ils ont peur, ils dénoncent, ils s'effacent. Même après, il y a les dossiers en rapport avec la dénonciation. Ce sont des dossiers que le ministère public, donc le magistrat du parquet, peut même perdre. Parce que lorsque le dénonciateur s'est effacé, il n'y aura pas quelqu'un pour donner les preuves, pour prouver, pour témoigner au tribunal, à la cour. Mais pour le deuxième volet qui dit qu'on lui donne 100 000 francs à 300 000 francs donnés par le condamné, c'est inapplicable, c'est difficile, c'est beaucoup trop difficile parce que, premièrement, il faut que ce dénonciateur attende la fin du procès. Oui. Un procès qui peut durer 2, 3, 4, 5 ans. Deuxièmement, il n'a pas été prévu... je retire ça. Deuxièmement, je voulais dire que... Vous avez une raison. C'est ce que je veux dire après. Oui. Deuxièmement, une personne emprisonnée n'a pas de ressources. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans la loi, il devrait être prévu un fonds d'intéressement, d'encouragement des dénonciateurs. Ça fait partie de ce qui a été proposé dans le document d'orientation technique et politique pour l'amélioration du cadre légal de lutte contre la corruption. Je pense que quand la nouvelle loi viendra, les dénonciateurs seront protégés, même les dénonciateurs de Parsim, parce que ce sont aussi des dénonciateurs, ils doivent aussi être protégés. Un ajout, Jean Bosco, du ministère ayant la bonne gouvernance dans ses attributions. Beaucoup de choses ont été dites. C'est renforcer les institutions chargées de la lutte contre la corruption, les soutenir. C'est continuer aussi la sensibilisation. Même si M. Fousté semble ne pas être... Il paraît qu'il n'a pas été en faveur de la sensibilisation. C'est la première axe de ce parler. Okay. Donc, continuer la sensibilisation, montrer aux citoyens l'impact, les méfaits de la corruption. Plutôt, on dirait qu'il s'est arrêté là. Il a oublié qu'il y a la répression. C'est ça. C'est pourquoi il y a l'existence des institutions. Voilà. Donc, sensibiliser, mais aussi il y a deux volets. Il y a la prévention, il y a la répression. Oui, réprimer aussi, mais un petit mot. Monsieur Fausté a dit que pour lui, la tolérance zéro n'est qu'au niveau théorique. Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que M. Cassé de la Cour anticorruption a déjà parlé de certains dossiers qui ont été fixés devant la Cour et qui ont été jugés. Donc, la machine est déjà en marche. Oui, c'est en marche, même si peut-être on est à un niveau encore très bas. Mais de toute façon, je dirais que côté aussi pratique, on est là. Ouais. Merci Jean Bosco, Naïméra. Je rappelle que vous êtes l'assistant du ministre de la Bonne Gouvernance. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Merci à vous, Monsieur Cassian Sindaye. Vous êtes le président de la Cour spéciale anticorruption. Merci de votre contribution. Je vous remercie beaucoup. Merci également à vous, Monsieur Faustin Likoumana. Vous êtes le président de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Merci de votre participation et de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur l'état des lieux de la lutte contre la corruption au Burundi, ses conséquences et des solutions à y apporter, bien entendu. La mise en onde était assurée par Eric Ouimana, Francine Léokougayo à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.